이디비디비디 얘기를 보죠. 얘기를 보죠. Vous êtes sur la radio des Boucons et vous écoutez Léo Boiteau pour 30 000 cons d'amis. Bonjour à tous, je suis pas peu fier de ce générique qui m'a fait moi bien rire à enregistrer, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette chronique qui a enfin un nom. J'aimerais remercier Hubert Félix Typhon pour sa proposition 30 000 cons d'amis qui me va à ravir. Aujourd'hui, on va parler des oiseaux du jardin. Je vais essayer de vous apprendre à reconnaître les oiseaux les plus familiers qu'on trouve dans nos jardins sans aller trop compliqué et sans faire une liste à rallonge. On va vraiment rester sur des trucs basiques. Ok, alors attachez vos ceintures, c'est parti! On commence tout d'abord avec la mésange charbonnière, qui selon moi est un des oiseaux qui est vraiment le plus emblématique des jardins français. On en trouve partout, et par français je devrais même dire européen, parce que là pour le coup la mésange charbonnière elle s'est mise partout. Vous la reconnaîtrez facilement, c'est cet oiseau qui a un corps jaune avec des ailes bleues. Il a une ligne noire qui part de son cou et qui vient traverser tout le thorax, un peu comme une cravate, et puis le haut de la tête est noir. Donc voilà, c'est un oiseau de taille plutôt petite, on est sur 14 cm d'envergure et une masse de 16 grammes à peu près. Donc la même taille qu'un moineau. On reviendra au moineau plus tard, à rester connecté. Et tout de suite, je propose de vous faire écouter le chant de la mésange charbonnière. On dit d'ailleurs, petite info, vous savez, on dit que l'âne hennit, on dit que la vache meugle, et bien on dit que la mésange charbonnière zinzinule. Voilà, ça c'est cadeau. Et tout de suite, on passe à un deuxième oiseau, un oiseau qu'on connaît un peu moins, mais qui pourtant est très présent, c'est le pinson des arbres. Alors le pinson des arbres, c'est un oiseau qui a une dominance de couleur plutôt rousse, avec comme un casque bleu sur le haut de la tête et des ailes noires et blanches. On est sur un oiseau de la même taille que la mésange d'avant, un petit oiseau, 15 cm de long. Et tout de suite, je partage avec vous le chant du pinson. Voilà un chant, là je suis sur la page Wikipédia pour trouver tous ces chants-là. Ils expliquent que le chant est un chip-chip-chip-chip, chet-chet-chet-chet, didip-didio. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, pour finir avec les oiseaux de la taille du moineau, eh bien on va parler du moineau domestique. Donc en fait, tous ces oiseaux-là font partie d'une même espèce qui s'appelle les passereaux. C'est tous les oiseaux qui sont plutôt petits, comme ça. Il y a sûrement plus d'infos, mais comme je suis pas biologiste, j'ai pas trop ces infos-là. Moi, je dis que les passereaux, c'est des petits oiseaux. Donc c'est un peu la merde comme explication, mais vous en conviendrez très bien. Alors le moineau, on le connaît très bien, le moineau, il est là partout. Donc un casque roux, marron foncé. Et puis des dessins un peu dans les plumes, sur les ailes, des marrons avec des stries noires. C'est quelque chose de très joli, même si c'est tout petit. Et ça, il y en a partout, tout le temps, et c'est petit, 16 cm. Le moineau, sachez qu'on dit juste moineau, mais son vrai nom c'est moineau domestique, parce qu'il y a plusieurs espèces de moineaux. Celui qu'on a chez nous, c'est le moineau domestique. Et tout de suite, bien sûr, le chant du moineau. Ensuite, on passe à des animaux plus gros, des oiseaux plus gros, des oiseaux que vous aurez plus la chance de trouver en ville, mais que vous verrez aussi à la campagne. On va dire que les plus petits, en ville, un peu moins de chances de les voir. Là, pour le coup, je suis sûr que vous allez tous les voir, vous allez tous le connaître. C'est deux animaux qu'on voit tout le temps. Le premier, c'est la tourterelle turque. Donc la tourterelle basique, celle qu'on voit tout le temps. Sachez que c'est la tourterelle turque. On trouve aussi la tourterelle à collier et la tourterelle domestique. Mais en tout cas, la plus répandue, je crois bien que c'est la tourterelle turque. Et tout de suite, je vais vous faire écouter son chant. Voilà le doux chant de la tourterelle qu'on connaît si bien. Tourterelle, du coup, pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, parce que j'ai fait une description depuis le début, donc je vais continuer. Un oiseau gris, un peu plus gros, 32 cm de long, des yeux souvent rouges, et elle a comme un collier noir autour du cou. Car les oiseaux peuvent aussi être élégants. Ensuite, le deuxième oiseau, on entend beaucoup parler en ville, c'est le pigeon, bien sûr. Alors sachez qu'on l'appelle le pigeon ramier, et pas juste le pigeon. Parce que pareil, il y a encore plein d'espèces de pigeons. Vous allez en trouver dans tous les endroits du monde, et plein d'espèces différentes. Donc chez nous, c'est le pigeon ramier. Gros pigeon, avec un ventre blanc, une tête dans les bleus, gris, un bec souvent rouge, des pattes rouges vifs aussi, et le reste du corps est gris. J'en profite pour faire la petite dédicace à Mémé et ses œufs de pigeon, j'espère qu'ils vont bien et qu'ils écloront bien. Et je rappelle bien sûr que le bébé pigeon n'a pas de nom, c'est pas un poussin ou je ne sais quoi, on l'appelle le bébé pigeon tout simplement. Pigeonneau, ça n'existe pas. Et tout de suite, le chant du pigeon ramier. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur les pigeons, hein. C'est un peu les charognards de la ville, avec les rats, c'est ceux qui bouffent des restes. Pas des animaux qui sont particulièrement ouf et qui intéressent beaucoup de gens, mais c'est quand même... On oublie souvent pendant longtemps les pigeons voyageurs, hein, c'était l'ancêtre de vos téléphones, vos boîtes mail. Et enfin, avec le retour des beaux jours, j'ai encore deux oiseaux dont j'aimerais parler, deux oiseaux qui vont arriver bientôt chez nous. Moi je les ai pas encore vus, mais gardez l'œil ouvert parce qu'ils vont être là. Le premier, c'est l'hirondelle rustique. L'hirondelle rustique, qu'on appelle aussi l'hirondelle de cheminée ou l'hirondelle des granges, c'est la même. Alors à quoi ressemble cette hirondelle? Elle a des longues ailes, qui sont d'une couleur noir-bleu, hein, on pourrait dire même bleu roi, je sais pas, je m'y connais pas sans couleur. Et ça c'est surtout le haut de son corps jusqu'au haut de sa tête, sa gorge est rousse et son ventre est blanc. Les hirondelles, c'est celles qui font les nids, vous savez, juste en dessous des toits là. Elles reviennent en ce moment d'Afrique et elles vont venir s'installer chez nous pour faire leur bébé. Et tout de suite, le chant de l'hirondelle rustique. Et comme vous savez, comme on le dit, les hirondelles font le printemps. Et enfin, un oiseau qui m'intéresse tout particulièrement, un oiseau que j'aime beaucoup, qui ressemble en vol à l'hirondelle mais qui n'en est pas une. Je veux parler bien sûr du martinet noir. Alors en vrai, on peut le différencier facilement de l'hirondelle. Pour les yeux aguerris, ses ailes sont un peu plus arquées en vol. Et en fait, le martinet, vous allez plus souvent le voir en vol que posé. Parce que le martinet, il a une particularité physique assez spéciale. Le martinet ne peut pas se poser au sol. Parce qu'en fait, ses pattes sont toutes petites et ses ailes sont très grandes. Et il n'arrive pas à prendre une impulsion assez forte avec ses pattes pour pouvoir s'envoler. Donc le martinet, on dit qu'il peut passer à peu près 10 mois par an en vol et jamais se retrouver à terre. Il va se poser dans ses nids, qui sont des nids proches de ceux des hirondelles, pour couver ses petits, mais il va jamais se mettre à terre. Et du coup, le martinet se nourrit principalement d'insectes qui volent, il se nourrit en vol. Et c'est même un oiseau qui dort en volant en fait, il reste à planer en volant, il n'y a aucun souci. Et voici tout de suite le chant du martinet noir. Et voilà, je pense que ça va être tout pour moi pour cet épisode, j'ai quand même beaucoup parlé, là je vois mon enregistrement fait 12 minutes, je vais avoir beaucoup de choses à couper pour que ça fasse un épisode plus digeste pour vous, parce que 12 minutes, vous n'allez pas vouloir m'écouter jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, je sais pas du tout de quoi ça va parler, j'ai pas eu le temps de m'y poser, mais on va trouver un truc et puis on va réussir à en parler. Voilà, belle journée à tous, et je vous souhaite un bon confinement. Allez, petit. Vous êtes sur la radio des Boucons et vous écoutez Léo Boiteau pour 30 000 cons d'amis.